Là, c'est un morceau de bois d'épicéa qui rejoint le fond à la table. L'âme est faite pour contrarier, soutenir la voûte de la pression du chevalet, les cordes sur le chevalet. Alors, je vais vous montrer. Donc ici, on a un de vos derniers violons. Oui, on la voit. Non, ça c'est le premier. Ah, le premier, excusez-moi. Oui, on la voit là. Vous voyez, elle est là. C'est pour soutenir la pression du chevalet. Parce que de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle une barre. C'est-à-dire que c'est un objet aussi en sapin qui part d'ici jusque-là et qui soutient les cordes graves du violon. Alors, qui part de dessous la mentonnière. Dessous la mentonnière, jusqu'ici, dans pratiquement toute sa longueur, Toute la longueur de la table. Oui. et qu'on colle forcé, c'est-à-dire qu'on la colle en bascule, de façon à ce qu'elle résiste à la pression extérieure, en somme sur les cordes qui font pression, sur le chevalet d'ailleurs, qui est très mince, qui est très fin. Et d'un côté, la barre soutient la voûte, et de l'autre côté, c'est l'âme qui la soutient. Alors, ce Et qu'on. l'âme, elle est mobile. Hein? C'est-à-dire qu'on peut la bouger. Et Ce qu'on m'a voilà. dit de l'âme, on m'a dit que c'était un objet qui permettait la transmission des vibrations à tout le corps de l'instrument. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, pas Non? trop.